Book 2 عشرون 20 20 محادثة قصيرة رقم واحد Conversation 1 Conversation 1 خذ راحتك Mettez-vous à votre aise Mettez-vous à votre aise. البيت بيتك. Faites comme chez vous. Faites comme chez vous. ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Que voulez-vous boire? Que voulez-vous boire? أتحب الموسيقى؟ Aimez-vous la musique? Aimez-vous la musique? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. J'aime la musique classique. J'aime la musique classique. هذه سيدياتي. Mes CD sont ici. Mes CD sont ici. أتعزف على آلة موسيقية؟ Jouez-vous d'un instrument de musique? Jouez-vous d'un instrument de musique? هذه قيثارتي. Voici ma guitare. Voici ma guitare. أتحب أن تغني؟ Aimez-vous chanter? Aimez-vous chanter? عندك أطفال؟ Avez-vous des enfants? Avez-vous des enfants? عندك كلب؟ Avez-vous un chien? Avez-vous un chien? عندك قطة؟ Avez-vous un chat? Avez-vous un chat? هنا توجد كتبي. Voici mes livres. Voici mes livres. أقرأ حالياً هذا الكتاب. En ce moment, je lis ce livre. En ce moment, je lis ce livre. ماذا تحب أن تقرأ؟ Qu'est-ce que vous aimez lire? Qu'est-ce que vous aimez lire? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Aimez-vous aller au concert? Aimez-vous aller au concert? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Aimez-vous aller au théâtre? Aimez-vous aller au théâtre? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Aimez-vous aller à l'opéra? Aimez-vous aller à l'opéra? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية